directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les Palmarès, c'est fou! Non, je n'essayais pas du tout de copier la voix de Stéphanie en disant les palmarès c'est fou de façon aiguë comme ça. Bonjour, bienvenue au palmarès c'est fou, édition du 10 au 16 janvier 2011. Moi, c'est Mathieu Plante et Stéphanie Gagné n'est pas avec moi aujourd'hui, mais elle va être de retour la semaine prochaine avec son blog de nouvelles Guess What? Oui. Dans l'émission d'aujourd'hui, on a quelques nouveautés à vous présenter. On en a en tout trois. Hein, c'est relax comme nouvelles entrées, mais le début de l'année avait commencé en force avec plein de nouvelles choses. Tout à l'heure, on va entendre Chili Gonzalez et une nouvelle entrée d'Atomic Baobab. Mais on débute avec Cafard en 20e, la seule du côté francophone. Voici Halogène au 89.1 FM. C'est fou! vent. I wonder why. Do it again. J'adore ça, Chili Gonzalez avec Never Stop, position numéro 19, en nouvelle entrée, c'est sur l'album Ivory Tower. C'est d'ailleurs le deuxième extrait de cet album-là. Le premier étant Night Moves, qui vient de quitter très récemment, mais c'est très, très, très excellent. J'aime ça, c'est comme instrumental avec un petit peu de voix. Pas beaucoup. Avant ça, on a sauté par-dessus Alex Le Maniaque avec Monsieur Ballonné, qui descend de la sixième place, c'est sa septième semaine, donc ça va commencer à se terminer pour Monsieur Ballonné. Peut-être qu'une autre pièce d'Alex Le Maniaque viendra la remplacer un jour. Et on a débuté le bloc avec Atomic Baobab. Et Cut It Up en 20e position. Enfin, on n'a pas commencé avec ça du tout. Hein. C'était comme dans le milieu. Et avant, on a entendu Cafard avec Halogène, nouvelle entrée, et la seule du côté francophone. Voilà pour nos nouvelles entrées. C'est bouclé, c'est dans les bacs, c'est dans les sacs, quelque chose avec des hacks. Rack? Dans les racks, j'aime ça. C'est en Irak, comme on dit. On va entendre dans le prochain bloc Brad Van 3000 avec You qui descend de 6 positions. Mais avant ça, voici Golden Collider qui monte d'une place. C'était nouveau la semaine passée. Très, très bonne pièce aussi. Voici Sound Central. Sur C'est Fou, 89.1 FM, c'est les palmarès. C'est fou, le Crazy Countdown. Crazy, crazy, crazy. Introduction

Brown 23000 et la pièce You, position numéro 18 anglophone. Ça descend de 6 places. C'est la 8e semaine de cette pièce de l'album The Garden. Avant, du côté franco, c'était Golden Collider avec Sound Central. Ça monte d'une place. C'était nouveau la semaine passée. Voilà pour nos positions numéro 18 et 17 parce qu'on a entendu Rubber Riot. Ben oui. Qu'est-ce que je viens de dire? C'était pas Brand Van, c'était plutôt juste dans le bloc précédent. Ça, ce qu'on vient d'entendre là, c'était Rare Riot avec Tudormatic. Je pense que vous avez compris, hein, parce que je l'ai annoncé tantôt, la pièce. En tout cas, bref. On a sauté par-dessus la 17e francophone Ripé avec Rockstar. On est à jour, on a sauté juste deux pièces aujourd'hui et je crois que c'est tout ce qu'on va avoir à sauter, étant donné que Stéphanie n'est pas avec nous. On va donc se rendre aux positions numéro 16. Du côté anglophone, c'est Close Make the Man avec Dreamless Nights. Ça monte d'une place, mais on débute avec Vulgar Machin qui monte de 4. C'était nouveau la semaine passée, ça faisait partie d'une très longue lignée de nouvelles pièces. Les prochaines jusqu'aux positions numéro 1 sont toutes nouvelles, donc je vous le dirai peut-être pas à chaque fois. T'sais. Donc, Vulgar Machin et une chanson acoustique tout de suite au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Retour, Close Make the Man, The New Pornographers, Dali Placard, Alexandre Desilets et Hôtel Morphée dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM. À l'UQTR, c'est fou dans vos oreilles. Numéro 16. The whole world's watching. The whole world wants so much more. All you hold so dear. You better learn to hold it near. Great waves of industry. Great waves rise up as we sprawl. Can someone hear me? Someone can hear me. The whole world's watching. The whole world wants. Bridge collapsing. Planes come crashing and chasing air. Tame your envy of people who seem to be in control. les étoiles. Made me, you're my Lord, you're my shepherd. Careful, keep no one shepherd. Careful, kid, no one gets hurt. You made me. La pièce My Shepherd, la formation de New Pornographers, position numéro 15, anglophone, c'est stable et c'est la quatrième semaine de présence pour cette pièce de l'album Together. Alors, c'était Dali Placard avec Ariane, qui est aussi stable, mais qui était une nouvelle entrée la semaine passée. C'est sur son album qui s'appelle Placard, simplement. Placard, bien ça? Placard, juste Placard. Bon. Avant de passer aux prochaines positions, c'est-à-dire les 14e, Alexandre Desilets et Diamond Rings, on va faire une petite pause dans les palmarès pour, dans les top 20. Faire une pause des top 20 pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Dans les palmarès, parce que, ben c'est ça, c'est d'autres choses que chez les top 20. Faut se le rentrer dans la tête, c'est difficile, je le sais, à comprendre, mais je vous le répète. Bon. On a un top 30 des CD, un top 3 des disques canadiens, un top 10 loud et un top 10 électronique depuis toujours, depuis très longtemps, en tout cas. Commençons par le top 30 des CD. On retrouve une seule nouvelle entrée en 20e place. C'est l'album Atomic Baobab EP, ou le maxi, en tout cas, de Atomic Baobab, formation locale. En 3e position, Arbok and the Authors monte d'une place avec leur album de remix. En 2e, ça monte de 4, Hooded Fang avec Hooded Fang Album. Et finalement, en première place, ça monte de 1, Black Mountain avec Wilderness Heart. Dans le top 3, les disques canadiens. En 3e, c'est aussi Arbok and the Authors. En 2e, par contre, c'est Black Mountain avec Wilderness Heart, qui est en première du top 30 des CD. Et puis, en première position, c'est Fallon Flash avec Homeless. Eh bien, c'est en première position des disques canadiens, mais en 4e du top 30 des CD. Eh bien, que voulez-vous? Côté top 10 électronique maintenant, on n'a pas de nouvelles entrées par rapport à... En fait, est-ce que j'ai dit la semaine passée, quelque part dans la chronique ici, je devrais remplacer ça par la dernière fois qu'il y a eu un palmarès, c'est-à-dire celui qui se terminait le 9 janvier, mais qui continue depuis la mi-décembre, ou quelque chose du genre. Donc c'est le premier vrai palmarès de 2011, voilà qui est dit. Position numéro 3 du top 10 électronique, c'est 65 Days of Static avec Heavy Sky. En deuxième, c'est Sun Airway avec Nocturne of Exploded Crystal Chandelier. Et en première, c'est stable, troisième semaine pour Freedom or Death avec Freedom or Death EP. On aura l'occasion d'entendre au moins un extrait du palmarès électronique à la fin de l'émission. Et je vais me corriger sur ma correction que je viens de faire. Le palmarès électronique, lui, a pas vraiment arrêté pendant les fêtes. Donc, lui, c'est vraiment par rapport à la semaine passée. Mais que voulez-vous? Il est différent du format des palmarès. C'est fou, hein? Les gens ne se suivent pas toujours dans la vie. Hein? Top 10 Loud maintenant. Deux nouvelles entrées. En 10e place, on retrouve Crystal Mass avec Worms of the Earth. Et en 4e, c'est Untimely Demise avec City of Steel. En 3e position, maintenant, ça monte de 6 places, Aggressor avec Staring Down at You. En 2e, ça monte de 6, Cradle of Filth avec Darkly, Darkly, Venus Aversa. Et en 1ère, ça monte de 3, God Dethroned avec Under the Sign of the Iron Cross. Wow! C'est des beaux petits noms. Il y a d'autres noms là-dedans qui sont bien compliqués dans le top 10 là. Il y a Anthropomorph. Non. Tu vois, je l'ai raté. Anthropocentric. Il y a... c'est quand même... je sais pas. Il y en a pas même d'autres, finalement. Les autres sont quand même assez faciles. Bon. Retrouvez les palmarès C'est fou sur le www.cfou.ca. www.cfou.ca. Là-dessus, il y a notre programmation et l'application iPhone, entre autres, à télécharger. Plein de belles choses au cfou.ca. On retourne dans nos deux top 20 de chaque côté. On est rendu aux positions numéro 14. Du côté anglo, c'est Diamond Rings avec Something Else qui est stable. Mais avant ça, voici Alexandre Desilets qui monte de 3. C'est le souffle court sur C'est Fou. C'est les palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Et ça, ben, si vous le croyez pas, là, ben, vous en faites pas me croire. Coudonc, c'est quoi, Thomas? Faut tout que je te montre, c'est que je te prouve. Yeah. Diamond Rings et Something Else pour sur numéro 14. J'ai bien dit Something Else. J'ai comme dit Something Else. Ça comme par rapport. Donc, ça, c'est la position numéro 14 anglophone. Avant, en franco, c'était Alexandre Desilets avec Le Souffle Court. Ça, ça monte de 3 places. C'était nouveau la semaine passée. On passe tout de suite aux 13e position. On va entendre plus tard dans l'émission Random Recipe avec Lack of Sleep. Mon début avec Hôtel Morphée. Ça monte de 3. Voici Novembre et Mort au 89.1 FM. C'est fou. Hein? Pas parler longtemps, là. La fin de l'heure arrive. Hein? Regarde-moi ça. Oui, oui. C'est beau, hein? Mon timing. C'est chaud. numéro 13. I can't sleep, got bugs running in my bed. Like baby bill of shelter up in my head. Him going knocking at my window. Everywhere I turn I see some weird shadow. Lack of sleep, cutting my respiration. Got 10 hours before end of aggravation. Got them black pockets under my eyes. But I can constantly live under this game of disguise. No, no, I can't sleep, cause of this impossible heat. Uncover my body from my head to my feet. Tossing and turning, sweating and dehydrating. The only way I close my eyes is if I stop fainting. Lack of sleep, sleep under attack. Lack of dreams, dreams of sleep. We're always on the wrong track, track so wrong. Are we alone? We ain't on track. I was on the run like you seven hot buns. Being chased by a gun, it ain't fun. Like running through some giant maze. A maze that it could take me days to find my way. Stop me, please. Every moment passes by me so fast, I'm like a crank tank. Never running out of gas. Rolling and rolling, I last for many centuries. But I gotta find a cure for this sleeping disease. No, no, hold me down. Fill up a pool, drive me to the bottom. Being awake for so long is so uncommon and highly. The only way I survive this misery is to try. Melody to beatbox myself a lullaby. Would you go let us out? I wonder what you are. Up above the waterline, the diamond in the sky. Lack of sleep. Oui, c'est bien Lack of Sleep de Random Recipe qu'on vient d'entendre en 13e position anglophone. Ça monte de 7 places. Avant, c'était Hotel Morphée avec Novembre et Mort. Ça monte de 3. C'est la pièce de leur plus récent maxi. De pas beaucoup de pièces. C'est dommage, ça. C'est dommage, mais très belle production pour un EP de... C'est 4 pièces. 4 pièces. C'est la fin de la première heure des Palmarès. C'est fou. Restez avec nous. Il y en a une deuxième. Ariel, Jérôme Minière, les frères Goyette, Chanteur, Chambaud, Soufiane Stevens et Danko Jones s'en viennent au 89 FM. C'est fou. Bon, retour, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 10 au 16 janvier 2011. La première vraie édition en tant que telle des Palmarès C'est Fou pour l'année 2011. Bienvenue à vous. Stéphanie n'est pas avec moi aujourd'hui, mais elle va être de retour la semaine prochaine. Pas de stress à se faire. Relax, take it easy, comme ils disent. Hein, calmez-vous. Là. Les nouvelles artistiques seront de retour la semaine prochaine aussi avec elle. On commence la deuxième heure avec les positions numéro 12. Du côté anglo, c'est Imaginary Cities avec Say You qui monte de 6 positions. Mais avant ça, voici Chantal Archambault et monte de 2. Avec Panache dans les Palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Ben oui. What? What? Génial. Je t'ai perdu, ton camouflage est trop fort. Et si je reprendrai le nord, avant que la nuit vole ton ombre et mon chemin aussi. Mais lors de mon retour, mon amour, mes hauts talons, j'ai cassé. Et si je ne pourrai déposer mes yeux dans tes yeux si hautement. Yeah.

Say You de Imaginary Cities en position numéro 12. Ça monte de 6 places. Avant ça, du côté franco, c'était Ariel. Non, pardon, c'était Chantal Archambault avec Panache. Oui, ça monte de 2 places. Ariel, c'est ce qu'on s'en va entendre dans les prochaines secondes, hein, avec la pièce Mauve. Ça monte de 7 places. Et ça sera suivi de Sufjan Stevens. Oui, l'imprononçable Sufjan Stevens avec I Walk. Ça monte de 8 places. Vous êtes au Palmarès, c'est fou, au 89.fm. Sufjan. Ça s'écrit Sufjan, tu sais. Mais c'est pas soft, Jim. Que voulez-vous? Lover. say I am sorry, the worst has arrived, for I deserve more, for at least I deserve the respect of a kiss goodbye. Touch of your breath on my arm, for it has stayed in me as an epithet. I am sorry, the worst is right, for I'm on the floor in the room where we made it our last touch of the night. I walked, cause you walked, but I won't probably get very far. Sensation to what she said, not about to expect something more. I would not ever run off, but I couldn't bear that it's me, it's my fault. I should not be so lost, but I've got nothing left to Sufjan Stevens et I Walk, position numéro 11, anglophone, ça monte de 8 places et c'était nouveau la semaine passée, c'est sur l'album The Age of Odds. Avant ça, du côté franco, qu'est-ce qu'on a entendu? Eh bien, c'était nos amis d'Ariel avec Mauve, ça montait de 7 places. J'espère que vous avez écouté l'émission spéciale Ariel en noir et rose, oui. C'est le nom que j'ai inventé et je me rappelais plus. Ariel en noir et rose, oui. Allez sur assemblagerequis.com si vous avez manqué ça. L'émission est disponible en balado-diffusion. C'est une entrevue de presque une heure avec le groupe. Donc assemblagerequis.com et de la musique aussi pour accompagner, évidemment. On est rendu aux positions numéro 10 de nos palmarès. C'est fou, notre condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir pour la semaine du 10 au 16 janvier 2011. En passant, pour ceux qui, à cette heure-ci, sont habitués d'entendre la chronique « Guess what » de Stéphanie Gagné, c'est là que ça se passe d'habitude. On serait en train maintenant comme « Guess what? Guess what? » Non, il n'y en aura pas cette semaine. C'est la semaine prochaine que Stéphanie va être de retour. Donc, prenez ça en note là, dans vos petits agendas.

Weezer et Hang On, position numéro 9 stable de l'album Hurley au palmarès, c'est fou. Avant, du côté franco, c'était les frères Goyette avec Mercury, entre parenthèses Pierre Mercure, ça descend de 7 places et c'est là depuis 5 semaines. Leur album s'appelle Rencontre du 3e âge. Je disais, c'est les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que tu pourras vous offrir. D'ici la fin de l'émission, on fait dans environ 45 minutes, là, plus ou moins. Là. On va avoir les meilleurs moments d'assemblage requis dans la chronique Un instant classique. C'est ce qui s'en vient. Mais pour l'instant, on est rendu aux positions numéro 8. Du côté anglo, c'est Tokyo Police Club. Oh, j'adore! L'album Champ. Et la pièce s'appelle Favorite Color. C'est stable en 8e. Avant ça, du côté franco, ça monte de 3 places. Voici Adam et Ligne secondaire sur C'est fou. Dans vos oreilles, www.cfou.ca pour nous écouter en direct online. Retour, Tokyo Police Club, Winter Sleep, The Gaslight Anthem, Jimmy Hunt et Paul Carniello dans les palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Est-ce que ça paraît quand je vire ma tête pendant que je suis en train de parler? Je sais pas si ça... C'est fou. 89. 1-1. Numéro 8. That your brother started to talk was the day that I found you like that. The national child star in a coat and a scarf, alone in the laundromat. Now we got the keys to an apartment we share, and we stay up as late as we'd like. Like Casey and Georgia, like Sonny and Cher. Tell me how's your younger brother? What? Tokyo Police Club et Favorite Color, stable en 8e position sur leur album Champ. Et avant ça, du côté franco, on a entendu Adam avec Ligne secondaire. Je sais jamais si je dois dire Adam ou Adam, mais je le demanderai au groupe un jour peut-être. Hein? Leur album à Adam Dam s'appelle Diversion. Voilà. On est rendu au 7e position de ce palmarès C'est fou pour la semaine du 10 au 16 janvier 2011. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les palmarès sur le www.cfou.ca et que plus tard dans l'émission, on a les moments classiques d'assemblage requis avec moi et François-Olivier. C'est génial. Lundi au jeudi à 7h. 7h du matin. Quelle belle heure pour écouter une émission de radio, je trouve. Ouais. Un peu comme le jeudi après-midi. Et tant qu'à commencer le jeudi après-midi à 14h, comme vous le faites depuis des semaines, alors, évidemment, vous commencez à 7h le matin, là, puis vous écoutez toutes les émissions qu'il y a entre, mais vous êtes habitué de m'entendre, moi, à partir de 14h. Maintenant, c'est à partir de 13h que je commence avec la toute nouvelle émission C'était fou. Je vous présente un palmarès d'antan. Un palmarès vintage, d'origine, pièce originale, comme vous le voulez. Là, c'est un petit peu genre rétro. Là. C'est les palmarès d'une semaine choisie. Par exemple, aujourd'hui, c'était une semaine de 2006 en décembre. Et c'est très intéressant. On écoute le top 3. On écoute un extrait d'une émission qui avait lieu à cette époque-là. C'est un beau petit moment qu'on passe ensemble tous les jeudis à 13h. Et ça rejoue le mardi matin à 9h. Donc, soyez là. On est rendu, comme je le disais, au 7e position. Du côté anglo, c'est Winter Sleep avec Preservation, c'est stable. Mais avant ça, voici Jimmy Hunt qui monte de 3, c'est Everything Crash. Au 89 FM, c'est fou. Pas c'était fou. Le nom de la station reste c'est fou. Pareil. Même si l'émission, c'était fou. On se comprend, ça va? Cool. Cool. Elle m'a donné son Jack and Me Too et le best of des Éthiopiens. Everything crash. Chacun sa trompe sonore, on est resté des heures dans sa chambre. Marianne m'a repoussé quand j'ai voulu mettre ma main en ses jambes. Everything crash. J'ai mis du gaz pour te faire dans l'iPod de Marianne. Mais j'ai gardé son Jack Limit ou le best of les Éthiopiens. Everything crash. Je vais devoir me l'assombrer tous les jours en rêvant à ses mains. Everything crash. Je suis parti refroidissant vers au revoir à Marianne. Mais j'ai gardé son Jack and Me Too et le best of les Éthiopiens. Everything crash. Dress. everybody does that. But with particular scorn, in polyurethane form, freeze-dried stuff to the brim. Hide in that hideous mask. Your daddy should have shaved grass. I told you I couldn't see it. A monument of pills, grocery list, telephone bills, pamphlets and dollar store trinkets. Wintersleep et la pièce Preservation stable en 7e position anglophone. C'était précédé de Jimmy Hunt avec Everything Crash dans votre radio campus de Trois-Rivières, etc., etc., etc. Là, la radio, c'est fou, là, tu sais, là, celle-là, là. Que vous écoutez en ce moment, que vous aimez, que vous appréciez, que vous capotez dessus, genre. On est rendu à la 6e position anglophone de Gaslight Anthem avec Bring It On. Ça descend de 4 places, mais c'est précédé de 354 Barry, voici, à l'Asie. Hein, pas de fond, ça. C'était acoustique comme présentation qu'on appelle. We'll be right back.

Le Gaslight Anthem et Bring It On, position numéro 6, ça descend de 4 places. Avant ça, du côté franco, c'était 3,50, 4 barils avec À l'asile. Ça monte de la 13e place. C'est seulement sa 3e semaine, donc ça monte pas mal vers le haut, ça, j'ai bien l'impression. Et c'est sur leur album Corpocratie. C'est la fin de la 2e heure. On se retrouve pour une 3e et une dernière tout à l'heure avec Paul Carniello, Valès Parietar, Panache, Jérôme Dupuis-Cloutier, Martin Léon, Fallon Flash, Black Mountain, Our Book and the Authors et les meilleurs moments d'assemblage requis. Restez là, c'est les Palmarès, c'est fou! Ah, c'est fou la rodeuse. Déjà de retour, c'est la 3e heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 10 au 16 janvier 2011. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et Stéphanie Gagné est toujours absente. Elle va être de retour la semaine prochaine. Oui, avec sa chronique d'actualité artistique. Guess what? Guess what? What? Mais nous, pour l'instant, on doit continuer. Il nous reste, disons, deux pièces à entendre avant les meilleurs moments d'assemblage requis. C'est pas mal. C'est beau, c'est comme un événement. On se donne un genre de rendez-vous ensemble. Alors, on va entendre donc les positions numéro 5. Nans and Nats sont en 5e anglophone avec Tell Me, ça monte de 5. Mais avant ça, voici Paul Carniello. Et la course des loups, ça monte de 2 sur C'est fou. 89 FM. Ou attention, attends. Ah, c'est fou! Ah, c'est fou! Déterré orange, sous sa chemise blanche, se cache l'homme et prêche, et convertu en mer, comme un thème à terre, est un leader, non, non, non, non, non, retour. La cause des loups, faire le port, la cause des loups, qui mène à le tard, la cause belle amour, ne finira pas. Les cœurs de soir l'ont jamais vu. Bras dans mes frères ne tiendront jamais une arme. Mais les dents à serre consumera tout. Sauf, sauf, sauf, sauf le clan. La cause des loups, faire de peur. La cause des loups, qui mène à le temps. La cause belle amour, fini de peur. Numéro 5. Feel

Kfar. Imagine-le, c'est un mot, là. Lis-le comme si c'était un mot, là. Kfar, man. Ouais. Point K. Point K. Bon. Bon. Compris? Oui, j'ai compris. Donc, c'est le plan d'émission d'aujourd'hui. Je trouve que c'est bien comme plan, c'est un plan. Oh, oui, oui, oui. Rempli de choses, on manque pas d'affaires. Non, pas supposé. Not missing the affair. Not missing it! Hey! Run Van 3000. Et les imitations des instruments par François-Olivier. C'est charmant. Yeah! C'est charmant à place de marchand. M'a t'appelé charmant. Oh! Cha-cha-cha. Ça, c'est gentil, mon charmant. Ami. Charmant, non? Ben, charmant, j'aime ça. Oui, oui. Mais peut-être pas... La chanson, peut-être non, pas. Ouais, c'est ça. ça réfère à un drôle de produit. Mais t'es un gars qui essuie très bien ses dégâts. Écoute, je suis quelqu'un comme ça, tu sais. T'es propre. Ben... Faut le dire. Ah oui. On va dire les vraies affaires. Cha-cha-cha, charmant. Rempli cette fois-ci, cette heure qui suit. Hein? Ça va être rempli? L'heure qui suit va être rempli, oui, c'est bien dit. Quand ça rime, c'est encore mieux, je trouve. J'ai essayé de l'échapper. Ah, t'as rimé encore! Oui, c'est charmant! Et vous, M. Plante, à part ça? Ah, ça va. Toi? Ça va bien. Ah, oh, ouais. Ah, oh, OK. Hey. Hey. Hey, OK. Mathieu, son char, il y a des lacets, par exemple. Ouais, c'est ça. Ben, c'est... Ouais, il est pas polluant beaucoup. Puis il est pas de l'année non plus. Ça commence à dater. Ah, puis il réussit pas à en trouver même à sa taille. Là, ça a plus vraiment de sens avec les autos, par exemple. C'est vraiment des souliers en ce moment. Voilà, c'était les meilleurs moments d'assemblage Rocky pour la semaine du 10 janvier 2011. On s'est marré. On s'est marré. C'était chouette. Ouais. Donc, soyez là du lundi au jeudi entre 7h et 9h pour ne pas manquer ces moments d'hilarité hilarante. Lundi au jeudi, 7h à 9h, François-Olivier Marchand, Mathieu Plante, Assemblage Rocky. C'est ici même sur les ondes de C'est Fou, 89,1 FM. Et allez voir les notes de l'émission et télécharger les balado-diffusions sur assemblagerocky.com. L'info publicité est faite. Position numéro 4, anglophone de nos palmarès C'est Fou, parce que là, c'est l'émission que vous écoutez en ce moment. Position 4, anglo, Final Flash. Avec The Awakening, c'est l'ancien numéro 1, mais on débute ça avec Martin Léon, qui monte de 5 places. Voici, prends-moi tel et quel. C'est bien, 9 à 4, c'est 5, ça? Ouais. Moi, les maths, hein. Hey! Je suis poche en maths, là! Dur à croire, dur à croire. Des fois, je me surprends moi-même, tu sais. réfléchi. Est parti. Final Flash et The Awakening, l'ancien numéro 1, maintenant en quatrième position anglophone sur leur album Homeless. Avant ça, on a entendu Martin Léon avec Prends-moi tel quel. Ça monte de 5 places, c'est en quatrième franco sur l'album Les Atomes. Évidemment, quand je parle de la dernière fois, dans le dernier palmarès, c'est au mois de décembre, parce que ça, c'est le premier palmarès de 2011. Donc, il faut comprendre qu'il y a eu un long, long bout entre les deux derniers palmarès réguliers. Troisième position anglophone, c'est Our Book and the Authors qui monte d'une place avec Kids. Mais avant ça, tout de suite, voici Vélez Pariétaire qui monte de deux avec Le Reflet. Au palmarès, c'est fou! Cause it's cold. blood was frozen, my head was frozen. But you should forgive us, cause we're all big kids in the end. And you will forget us, cause we're all Our Book and the Authors avec Kids, position numéro 3, qui monte d'une place au palmarès. C'est fou, comme le gars faisait dans la chanson, mais en beaucoup moins bon. Avant ça, c'était du côté francophone. Le reflet de Vanessa Paradis, ça monte de deux places. C'est la troisième, donc franco. Ben oui, je me répète, je me redonde et je dis tout le temps la même affaire, mais c'est même pas grave parce que la musique est tellement bonne qu'on pardonne l'animation. Hein? Non? OK. Position numéro 2, anglophone, c'est Hooded Fang avec Laughing. Ça monte de 4 places, mais avant ça, voici Johnny Malaise de Jérôme Spicucci. C'était le numéro 1, c'est la dernière fois qu'il y a eu un palmarès en décembre. Donc, ça a descendu d'une mince et petite place. Donc, on a un nouveau numéro 1 francophone. Tout à l'heure, on va l'entendre. Et on a un nouveau numéro 1 anglophone parce qu'on a, on sait que Final Flash est maintenant en 4e place. Mais bon, tout de suite, Jérôme Spicucci, Johnny Malaise, là, là, juste là, là. Ça commence avec un petit dring-ding de corde, je sais pas quoi. Dring-ding-ding, hein? L'embarras du choix, c'est fini. C'est lui qui t'a choisi. Sur ton front, il vient t'écrire qu'il est faux ton sourire. Que c'est là qu'il se promène. Johnny Malaise, sur ton chemin cassant le tien. Une main moite, tu lui tends. Il lui crache dedans. Par la il te frappe pour que ton petit cœur dérape. J'aimais bien où tu mets les pieds, c'est là qu'il se promène. Johnny Malaise, sur ton chemin cassant le ciel. C'est là qu'il se promène. Johnny Malaise, sur ton chemin cassant le tien. Oui, il est seul. Il n'a pas d'amis. Mais il est cœur fragile. Au retour, Hooded Fang, et je vous dis même pas c'est qui le numéro 1, hein, parce que c'est le but de l'émission de créer un faux genre de faux suspense complètement faux. Les numéros 1 s'en viennent, restez avec nous, c'est les palmarès, c'est fou. Ah, c'est fou, la rouleuse. 89-1. Numéro 2. dancing on, dance with you. Two flat quarters leave me close to you. And as the days stumble by, I look to you, and you're always there to say. No matter, baby, what the days bring, I'll be there. I'm here to hold you as the door seems to crumble. And in the times when it all seems so stale, I'll be with you when the going gets going. Hooded Fang et Laughing. Pour ce numéro 2 anglophone, ça monte de 4 places sur l'album Hooded Fang Album. Avant, c'était Jérôme Dupuis-Cloutier avec Johnny Malaise. Ça, c'est l'ancien numéro 1. Et c'est maintenant donc en deuxième, hein, c'est sur l'album Gentleman Refroidi. Voilà. Vous êtes dans les palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Et si vous êtes des habitués de l'émission, je vous apprendrai rien en vous disant que c'est le moment de faire des jeux de mots poches. Hein, c'est ma marque de commerce, là, quand même. Il faut que je la montre un petit peu, que je montre mon énorme talent, là. J'ai du talent. C'est comme un vampire. Tu sais, qui serait très, très bon pour sucer du sang. Mais moi, je suis très, très bon pour socker complètement à faire des mauvais jeux de mots. Suck comme des crocs, des fangs en anglais. C'est, je me sens vraiment seul. Surtout quand j'ai pas de public ou de co-animatrice pour réagir à mes mauvais jeux de mots. Je me sens vraiment comme seul au sommet, genre d'une montagne noire, parce qu'elle serait remplie de saleté, disons. Black Mountain, montagne noire? Non. C'est comme un chien qui aurait fait des dégâts. Et ça sent un petit peu ça, mes jeux de mots. Mettons un bouvier bernois, peut-être? Non? Bon, ben c'est ça, j'ai fait mes jeux de mots tout seul, puis ça marche vraiment pas faire des jeux de mots tout seul. C'est plate à mort, mais c'est pas grave. Voici le numéro 1, je vous explique les jeux de mots après. Hein? C'est au palmarès, faut que je le time comme faut, celui-là. Je m'étais dit que je le timerais comme faut. C'est les palmarès, c'est fou! Fou! Fou! Woo! until it's time. C'était nos positions numéro 1 pour ces palmarès c'est fou de la semaine du 10 au 16 janvier 2011. Avant de dire nos numéros, un petit récapitulatif des 5 premières positions de chaque côté. 5e Franco, c'est Paul Carniello avec Martin avec la course des loups, oui. Martin Léon est en 4e avec Prends-moi tel quel. En 3e, Valès Parietta avec Le Reflet. En 2e, l'ancien numéro 1, Johnny Malaise avec l'artiste Jérôme Dupuis-Cloutier. Et on vient d'entendre, il y a quelques minutes, la position numéro 1, Panache avec Bouvier-Bernois. Du côté anglophone, c'est Nans and Nat en 5e avec Tell Me. 4e, Fall on Flash avec The Awakening. Ensuite, Our Book and the Authors avec Kids. En 2e, Hooded Fang avec Laughing. Et on vient là, à l'instant, d'entendre Black Mountain avec Old Fangs qui monte de 2 places. C'est la position numéro 1 anglophone sur l'album Wilderness Heart. Voilà donc pour ces deux top 20. Il nous reste un petit peu de temps, mais avant de passer à l'électronique, on va l'entendre un des extraits qu'on a sauté plus tôt dans l'émission. C'est la 17e position. Voici Ripley avec Rockstar. Sur C'est Fou, c'est les palmarès. C'est fou. I'm not après, six mois dans le rico, on peut courir après. Monsieur Ballonnet, Monsieur Ballonnet, c'est aussi l'ami de Barbie. L'affaire avec des grosses taches vertes, comme mon ami Monsieur Ballonnet. Monsieur Ballonnet d'Alex Le Maniaque qui est en position numéro 19 du palmarès francophone. On l'avait sauté précédemment dans l'émission. Même chose pour Ripley avec Rockstar en position numéro 17. Je vous laisse deviner pourquoi je les avais sautés en début de l'émission. Je vous rappelle que les palmarès c'est fou, c'est pour tout le monde évidemment. Hein. C'est des différents styles musicaux. Puis il y en a qui sont peut-être un petit peu moins dans le créneau des animateurs des émissions. Mais bon, c'est quand même pas grave. On a alors le reste du palmarès au moins. je vous rappelle, les numéros 1 panache en francophone avec Bouvier-Bernois et en anglo, c'est Black Mountain avec Old Fangs. On les a entendus juste avant ces blocs de pièces qu'on avait sautés. En fait, c'était juste un bloc. Voilà. C'est la fin des palmarès C'est fou pour cette semaine. On se retrouve jeudi prochain en direct entre 14h et 17h. Ça, c'est le jeudi. Et ensuite, on est en rediffusion les vendredis soirs entre 17h et 20h. D'ailleurs, les auditeurs du vendredi soir vont aller rejoindre les lutins de l'enfer qui vont commencer juste après nous à 20h. Alors que les auditeurs du jeudi, eux, ben, ils vont aller entendre de la musique variée, hein, dans la sympathique émission La Sécheuse avec notre très joli animateur DJ Jazzer. C'est viré comme nom, j'aime beaucoup ça. Moi, je vous retrouve lundi matin à Assemblage Requis. C'est de 7h à 9h avec François-Olivier Marchand et moi-même. Et puis, ben, tant qu'à être là, jeudi prochain à 14h, soyez là un petit peu avant, à 13h pour ma nouvelle émission C'était fou, je vous y retrouve. Allez voir assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et pour télécharger la balado-diffusion. On se quitte avec un extrait du palmarès électronique. On va entendre la pièce Rodman du projet italien Death in Plain. C'est tiré de l'album Unreleased Demo Past qui prend la troisième position du palmarès. Cet album-là est disponible gratuitement en téléchargement à l'adresse qui est sur le site internet d'assemblagerequis.com. Voilà, donc on se quitte avec la pièce Rodman de Death in Plains. Écoutez le vestibule pour entendre d'autres extraits du palmarès électronique. Ça se passe les samedis soirs à partir de 21h. Passez une excellente soirée. Puis après ça, une excellente fin de semaine, mettons. Il reste la semaine. Bye. Je vous aime. Fort, fort.